fugir là. Sur un écran. Et si un soir mes caprices l'ont blessé, alors j'invoquerai le néant. Si le cœur partagé, deux ignorants sans fragile. Voici le cœur partagé, les deux innocents fragiles, les esprits que l'on attend. Refrain, ça se ressemble un peu trop. Voici le cœur partagé, les deux innocents fragiles. Si le cœur partagé, les deux innocents fragiles. Des esprits que l'on a torturés aux pensées bien lucides. Tu murmurais mes peines sur un visage d'ange, froissais les mots sur un clavier. Je danse, passer les mots sur un clavier. Et si un jour ma douleur la dérange, alors je saurai m'effacer. J'ai dispersé mes doutes dans ses yeux azurés, versé un peu sur un écran. Et si un soir mes caprices l'ont blessé, alors j'invoquerai le néant. Voici le cœur partagé, les deux innocents fragiles, les esprits que l'on a torturés. Pensez bien. Et si à l'aube mes larmes l'ont mutilé, alors j'irai me cacher. J'ai libéré mes fautes sur son écorce blanche, posé des vers sur un cahier. Et si demain ma vie me tanche, alors j'oublierai sa dignité. Des innocents fragiles, les esprits que l'on a torturés, à penser bien dessus. et le temps dans l'air du vent. Et si le monde fou est un enfer, alors je serai son amant. J'écris l'histoire sur son corps meurtri, sauver ses peurs dans l'ombre éternelle. Demain l'amour est un infini, alors je deviendrai fidèle. Si le cœur partagé, tout me sent fragile. Les esprits que l'on a torturé.